Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gomet du Pré 1860. Question 62. De la perfection des anges. En quel état ont-ils été créés? Comment et dans quelle mesure ont-ils obtenu la béatitude, leur état présent? 1. Les anges ont-ils été créés bienheureux? Les anges ont été créés heureux, mais non pas bienheureux, car ils n'ont pas été affermis dans le bien par leur création, la chute de quelques-uns d'entre eux le prouve suffisamment. La béatitude était la fin de leur création et elle ne leur appartenait pas de droit, aussi ne l'ont-ils pas possédée dès le principe. Ils ne devaient en jouir qu'après l'avoir méritée. Ils eurent, à la vérité, dès le premier instant de leur existence, la perfection de leur nature, mais ils n'eurent pas la perfection à laquelle ils devaient parvenir par le bon usage de leur libre arbitre. Si, aussitôt qu'ils furent créés, ils possédèrent la connaissance naturelle du Verbe, ils ne reçurent du moins celle qui est l'effet de la gloire, la connaissance matutinale, qu'après avoir obtenu l'éternelle félicité en se tournant vers le souverain bien. 2. Les anges ont-ils eu besoin de la grâce pour se porter vers Dieu? Pour se porter vers Dieu considéré comme objet de leur béatitude, les anges ont eu besoin de la grâce divine, il n'y a que la grâce qui conduise à la vie éternelle, comme le marque l'apôtre dans ses paroles, la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains 6, 23. La vision intuitive ou la béatitude, dépassant, en effet, la portée naturelle des intelligences créées, il n'en est aucune dont la volonté puisse l'atteindre sans être aidée par le principe surnaturel que nous appelons la grâce. 3. Les anges ont-ils été créés dans l'état de grâce ou dans celui de pure nature? Il y a controverse sur ce point, mais le sentiment le plus probable et le plus conforme à l'enseignement des saints docteurs est qu'ils ont été créés avec la grâce sanctifiante. Nous voyons, en effet, que tous les êtres produits par la divine providence dans le cours des siècles, les arbres, les animaux et les autres créatures matérielles, ont d'abord existé dans leur raison séminale. Or, ce que les raisons séminales sont aux effets naturels, la grâce sanctifiante semble l'être à la béatitude suprême, aussi saint Jean l'appelle-t-il la semence de Dieu. Les choses corporelles ayant donc reçu dans leur création les raisons séminales de tous leurs effets naturels, il est vraisemblable que les anges ont reçu primitivement aussi la grâce sanctifiante dont ils ont pu, à leur gré, faire un bon ou un mauvais usage. 4. Les anges ont-ils mérité leur béatitude? Tout être parvient à sa fin dernière par l'opération. Or, une opération peut être cause efficiente ou cause méritoire. Elle est cause efficiente quand la fin n'est point au-dessus de la vertu qui agit pour l'atteindre, elle est cause méritoire quand la fin dépasse la vertu qui la poursuit, et alors la fin est accordée comme don. La béatitude dernière dépassant tout à la fois la nature angélique et la nature humaine, les anges, aussi bien que l'homme, ont dû mériter leur béatitude. Les théologiens qui admettent que les anges ont été créés dans la grâce expliquent sans peine leur mérite, dont ils trouvent le principe dans la vertu divine. Ceux, au contraire, qui prétendent que les anges ont eu la béatitude avant la grâce rencontrent des difficultés insurmontables. Pour nous, qui sommes de l'avis des premiers, nous disons que les anges ont eu, avant d'être bienheureux, la grâce sanctifiante, par laquelle ils ont mérité la béatitude en s'attachant à Dieu dans la charité. 5. Les anges ont-ils obtenu la béatitude aussitôt après leur premier acte méritoire? Nous répondons affirmativement. Les anges ont joui de la béatitude immédiatement après leur premier acte de charité. En voici la raison. La grâce perfectionne les êtres conformément à leur nature. Or, telle est la nature angélique qu'elle acquiert sa perfection instantanément et non pas successivement. De même que, dans l'ordre de la nature, les anges sont arrivés immédiatement à leur perfection naturelle, de même, dans l'ordre de la grâce, ils ont dû parvenir à la béatitude immédiatement après l'avoir méritée. Que, si l'homme lui-même peut la mériter par un seul acte de charité, les anges, à plus forte raison, l'ont pu eux-mêmes. Il suit de ces principes qu'ils ont été bienheureux dès leur premier acte formé par la charité. 6. Les anges ont-ils obtenu la grâce et la gloire d'après l'étendue de leurs facultés naturelles? Les anges qui, dans l'ordre naturel, ont reçu de leur Créateur, dit le maître des sentences, confère Pierre Lombard, une substance plus parfaite, une intelligence plus vive, plus pénétrante, ont aussi reçu, dans l'ordre surnaturel, des dons de gloire plus élevés. On peut en apporter deux raisons. La première se prend de Dieu, qui, par sa sagesse, a établi, au moment de la création, différents degrés dans la nature angélique. Quand on voit un ouvrier tailler et polir une pierre avec soin, on juge de suite qu'il la destine à une place d'honneur dans l'édifice qu'il construit, n'est-il pas clair, de même, que Dieu, en conférant à un ange une nature plus excellente, le destinait aux dons les plus riches de la grâce et aux plus vives splendeurs de la gloire? La seconde raison se trouve dans l'ange même. Celui qui avait le plus de grandeur et de perfection dans sa nature a dû se tourner vers Dieu avec plus de force et d'efficacité, cela se voit aussi dans l'homme, à qui la grâce et la gloire sont données en proportion de sa conversion. Il est donc rationnel de dire que plus les anges avaient reçu de perfection naturelle, plus ils ont reçu de grâce et de gloire. 7. La connaissance et l'amour naturel restent-ils dans les anges bienheureux? En principe, tant que la nature subsiste, son opération subsiste. Or, la béatitude n'enlève pas la nature, puisqu'elle en est la perfection. Donc elle ne détruit pas la connaissance et l'amour naturel. Cela se conçoit d'autant plus aisément que la nature, comparée à la béatitude, est en quelque sorte l'unité comparée au nombre de, car la béatitude s'ajoute à la nature. Comme donc l'unité est renfermée dans le nombre de, ainsi la nature existe dans la béatitude, et, dès lors, la béatitude en renferme les actes. Qui empêche, en effet, que l'on ne connaisse une chose par deux moyens à la fois, par la connaissance naturelle et par la connaissance glorifiée. Note. La connaissance naturelle est, pour les anges, la connaissance de Dieu par leur propre essence, la connaissance glorifiée, c'est la connaissance de Dieu par l'essence infinie elle-même. Fin de la note. 8. Les anges bienheureux peuvent-ils pécher maintenant? Non. La béatitude, c'est la vision de l'essence divine, et l'essence divine est l'essence même du bien. L'ange qui la voit est à son égard comme est l'homme sur la terre relativement à l'idée générale du bien. Nous ne pouvons rien vouloir ni rien faire que dans la vue d'un bien quelconque, ni nous éloigner du bien en tant que bien. L'ange, dans la béatitude, ne peut ainsi ni rien faire ni rien vouloir que par rapport à Dieu, et dès lors il ne peut pécher. 9. Les anges bienheureux peuvent-ils encore mériter de nouveaux degrés de béatitude? On ne mérite que dans la voie de l'épreuve et du combat. Les anges sont au terme de la carrière et non plus dans la voie, Donc il ne saurait mériter aucune augmentation de béatitude. En effet, c'est Dieu qui conduit à la béatitude, or, dans tout mouvement, le moteur porte son intention sur un point déterminé où il veut conduire le mobile. Lors donc que la créature raisonnable est parvenue au degré de béatitude déterminé par la prédestination divine, elle ne peut plus s'élever à un point supérieur. Note. La charité parfaite du ciel n'offre plus l'idée du mérite, elle présente plutôt celle de la perfection renfermée dans la récompense. Les joies qu'elle procure, par exemple, celles qui résultent de la conversion des pécheurs par suite du ministère que remplissent les anges, sont un fruit de la béatitude plutôt que du mérite. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.